Nous irons au cœur du monde, à la poudre de canon, en comptant chaque seconde, car ce jour est le plus long. Sous le fer et la mitraille, des milliers se toucheront, et le soir de la bataille, des milliers se compteront. Le jour est long, le jour est long, thành công.